cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Mada akhadna fi darsina al-sabiq, عندما تفضل أخذنا ما يتعلق بالنار وبالجهنم والجنة. نعم، بالجنة والنار. فما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ عندما تفضل موجودان. نعم، موجودان الآن. ما الدليل كالجنة والنار الله سبحانه وتعالى إلي ذكري سي دو دمور الزيكزيست الآن؟ ما الدليل؟ الله عز وجل أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. وفي الجنة أعدت للمتقين. نعم، من أين أخذت أن الجنة والنار الله les a créées, ces deux demeures sont présentes الآن؟ نعم، وعدت، et Allah il a préparé. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà créées. ومن السنة، on a plusieurs preuves على هذا. تفضل. الحديث المعرج والحديث جبريل. حديث جبريل. نعم. ماذا فيه؟ أن يعني الله قال لجبريل يعني يذهب إلى النار. نعم. يذهب إلى النار ويذهب إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وكذلك من عقيدة أهل السنة parmi la croyance des salaf أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ قرأناه من كلام الإمام الطحاوي، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هكذا قال رحمه الله. فما معنى هذا القول؟ عند من؟ بمعنى الخلود، يعني أصحاب الجنة لا سيخرجون من الجنة. لا يخرجون، نعم، وأهل النار كذلك لا يخرجون من النار. كذلك. أما المؤمنون كي rentreront في النار à cause de leur péché، فما هي عقيدة السلف في أهل الكبائر من المؤمنين؟ تفضل. بعد مدة. نعم، أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، سي الله يبلي شاتي ولا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فسي الله سبحانه وتعالى يدسي دلي بني يسقطرون يوما من الأيام يغنطرون في الجنة لأنهم سيدي مؤمنون فيسون تحت المشيئة. هذا ما يتعلق بدرسنا الأخير. بقي الشهادة على المعين أنه من أهل النار، فماذا قلنا؟ تفضل. يعني لا تقول ما معنى الشهادة على المعين؟ أتستي على المعين. Ahsan, d'une personne spécifique, bitta'yin. Il y a deux sortes de shahada. Il y a al-shahadatu al-amma, on dit que al-yahoud, al-nasara, al-kuffar, ils sont fin nar. Fahada, c'est wajib de croire et de dire hada. Lian Allah subhanahu wa ta'ala hakam al-kuffar, annahum, ils sont fin nar. Et on avait lu les preuves. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذه شهادة مطلقة أو عامة. ثم on a lu ensemble الشهاده على المعين à une personne spécifique. Est-ce qu'on peut dire il est في النار فماذا قلنا عندما تفضل نعم نبقى الان باهل النار فقط فلا نقول في من لم ياتي النص اي قد دليل انه الى من اهل النار انه الى من اهل النار اما سو كي ان دليل فنقول انهم يسون من اهل النار نعم كذلك العلماء يفون ديفيرونس انتر لو فيفون اي لو مور اما لو فيفون فلا يجوز سي قد دليل لانه يفعل توبه اما سي مور فالعلماء اختلفوا Certains savants disent « Tu ne peux pas dire qu'il est min ahli an-nar » On ne sait pas. Et d'autres disent « S'il est mort à l'al-kufr » et il n'y a aucune preuve qu'il est rentré dans l'islam, on dit « Il est min ahli an-nar » Et c'est ça le qawl al-sahih « Wallahu a'lam » Et dans l'ahli al-jannah, qu'est-ce qu'on dit ? Al-hukmu al-am, c'est quoi ? Al-hukmu al-am, al-muslimun al-muminun, al-yadkhulun al-jannah. Na'am, ma dalil ? Plusieurs adilla fi hada inda man tafaddal anna lahum jannatin tajri ahsant wa bashshir alladhina amanu wa amilu ssalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar hada sa hukm 'am pour tous les mu'mins celui qui meurt 'ala al-iman فبإذن الله عز وجل il aura cette récompense même si ce mu'min il est châtié il finira en في الجنة éternellement الحكم على المعين une personne spécifique est-ce qu'on peut dire فلان il est من أهل الجنة مما جاء في النصوص حديث إذا جاء حديث il nous montre أن فلان il est من أهل الجنة كمان نعم العشرة المبشرين بالجنة فهؤلاء on dit أنهم sont من أهل الجنة et si on n'a pas de دليل نعم نقول الله أعلم c'est ça le قول الصحيح et on espère pour lui الخير أما الجزم فالله أعلم بحاله فهذا هو القول الصحيح نكمل ما يتعلق بهذا البيت قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل قال شيخ محمد حفظه الله وفي هذا البيت والنار يصلاها تنويه بأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالقدر والنار يصلاها Ça, ça montre annamin usul ahli sunnah parmi les fondements des gens de la sunna annahum yu'minuna bil iman yu'minuna bil qadr li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba wa qada wa qaddara an telle personne ira fil janna et telle personne ira fil nar ça ça montre anna Allah il a tout décrété il a tout écrit azza wa jalla c'est pour ça que Cheikh Mohammed il a cité le chapitre du Qadr et il l'a résumé et inshallah c'est notre dars d'aujourd'hui. قال حفظه الله الايمان بالقدر ذلك بان الله قد قضى وقدر وجعل الناس على قسمين شقي وسعيد deux catégories de personnes شقي اي عياذ بالله اي هؤلاء finiront في النار et سعيد ça vient de سعادة أي ils seront heureux المؤمنون قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الشاهد ولكن حق القول مني أي الله il a décrété et son قول c'est حق أنه عز وجل يغمبلغ الانفر من الجن والإنس Et tout ça, c'est bi adlihi azza wa jal. Et avec justice, anna ha'ula min al-jinn wal-ins, ils mourront à la al-kufr, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera rentrer fin nar. Wa fi sahih muslim, an Aishata radiyallahu anha, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal, inna Allah ta'ala ja'ala lil-jannati ahlan, خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وهم في أصلاب آبائهم. الله سبحانه وتعالى il a créé des personnes pour le Jannah et il a décrété qu'ils iront في الجنه alors qu'ils étaient encore في أصلاب آبائهم. Ils étaient pas encore في هذه الدنيا avant qu'ils naissent. Tout ça c'est بقدر الله عز وجل. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. Chacun d'entre vous sa place في الجنة أو في النار elle est déjà connue عند الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الأحاديث كذلك في verses du Coran qu'on a détaillé plusieurs fois dans دروس العقيدة concernant le destin القدر, أن الله سبحانه وتعالى il a tout décrété, il a tout écrit avant de créer la créature. Et parmi ce décret, الله سبحانه وتعالى il sait qui c'est qui va aller في الجنة, qui c'est qui va aller في النار. لكن on peut se poser une question الآن, et c'est la question que certains compagnons vont poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل. Est-ce qu'on délaisse les œuvres? Il y en a, c'est déjà écrit. Est-ce qu'on ira في الجنة ou في النار? فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit œuvrez. Enfin, chacun de vous, par rapport à ses œuvres, il aura sa demeure. هذا c'est un jawab azim. Ça montre أن الإنسان il fait attention à وساوس الشيطان. لأن كثيرا من الناس ils se sont égarés, ils n'ont pas compris القدر et ils pensent que si tu as la conviction que tout a été écrit, que Allah il sait tout, que tout est déjà décrété عند الله سبحانه وتعالى, pourquoi œuvrer? أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا. Donc on doit obéir au prophète عليه الصلاة والسلام. Œuvre, fais du bien et tu trouveras du bien بإذن الله عز وجل. ثانيا, et ça c'est important, أن أنت tu sais pas est-ce que Allah سبحانه وتعالى il a écrit, il a décrété أنك tu seras من أهل الجنة ou من أهل النار عياذا بالله. Donc en fait, tu ne sais pas hada. Donc fais des œuvres comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa husnul dhann billah, et une bonne pensée envers Allah azza wa jalla. Allah il est juste. Fais des efforts et Allah il te récompensera. Donc faire attention, il y en a certains qui délaissent l'amal à cause de hada. Il dit ana je ne sais pas. Allah il a déjà tout décrété, pourquoi œuvrer? Là fais le khair et tu dis ana ce khair Allah il l'a décrété. Mais ceux qui disent هذا, en fait, ils ne savent pas. Enfin, pourquoi délaisser? Ça montre que ce fikr, cette pensée, en fait, elle est fondée sur sou'adhan billahi azza wa jal. Allah, il est juste. Si tu es droit, si tu veux le bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Fais le bien et incha'Allah, tu auras le jannah. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit يَعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera pourquoi il l'a créé, le pourquoi il l'a créé azza wa jal. قال اما اهل السعاده فسيصيرون الى عمل اهل السعاده. Ça montre ان الانسان s'il fait des efforts et il fait des a'mal, chacun de nous ne sait pas Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété quoi pour nous, ma nadri. Donc si on fait عمل اهل السعاده فانشاءالله on fera partie de هؤلاء. Donc fais des œuvres, fais le khayr. Et ce khayr que tu fais, ces efforts, c'est min al-qadr. Et inshallah, tu seras ala khayr. Wa amma ahlu al-shaqawa. Al-shaqawa, c'est le contraire de sa'ada. فسيصيرون إلى عمل أهل الشقاوة. هؤلاء الله سبحانه وتعالى il a décrété أنهم ils font partie de أهل الشقاوة et les gens malheureux, ceux qui iront في النار عيادا بالله. هؤلاء feront les œuvres de أهل الشقاوة. أي من الشرك والكفر, ils font pas d'effort في الدين, ils se moquent et combattent l'islam et ils mentent et يشربون الخمور ويفون الزنا. Tout ces أعمال de أهل الشقاوة. Donc, أنت écarte-toi de هذا et inshallah tu feras partie de أهل السعادة. أما faire aucun effort, faire du شر ثم dire c'est القدر, فهذا c'est pas صحيح. Pourquoi? لأن tu sais pas est-ce que c'est ton قدر أم لا. Tu l'as su une fois que tu as fait. نحن الآن on sait pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit pour nous مثلاً demain. Pour nous, ça fait partie de l'invisible. La ya'lam al-ghayb ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on fait le khayr. Demain, on a l'intention de faire du khayr, de faire salat, de faire du bien, de ne pas mentir, d'apprendre l'ilm, etc. Et si on fait ces choses, on fait des efforts, demain, on saura que ça fera partie du qadar. Enfin, on dira, alhamdulillah. C'était min al-qadar et on a fait des efforts. Amma wahid, demain, il ne sait pas ce qui va se passer. Il pense déjà à faire du shar. Et dès qu'il fait du shar, il dit c'est le qadr. Hada fi al-haqiqa, il fait partie de ahl al-shaqaw. Donc on fait des efforts. Et on sait que tout a été décrété par Allah Azza wa Jal. Et kadhalik on a husnu dhan billah. La plupart des gens qui se sont égarés, ben tous ceux qui se sont égarés fi bab al-qadr, annahum ils ont un problème dans leur cœur. Su' al-dhan. Ils ne peuvent pas faire. Ou ils ne veulent pas faire. Et ils ne veulent pas se corriger. ثم يديز سر قدر لا نحن نفيد زفور وندمد الله سبحانه وتعالى كي نفاسيليت ونكوى كتوسا سمين القدر. قال ثم قرأ أي صلى الله عليه وسلم أبخي هذا إلى لي قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Vous avez remarqué que Allah سبحانه وتعالى il a cité العمل avant. فأما من أعطى واتقى, celui qui donne, أي في سبيل الله, واتقى, il applique son deen, وصدق بالحسنى, كذلك il dément pas tout ce qu'on a vu في المعتقد, الإيمان بالله والإيمان بالجنة الإيمان بالملائكة بالكتب, tout ça يصدق, فسنيسره لليسرى, الله يتفاسلته. وأما من بخل واستغنى, العكس, أهل الشقاوة, أي il donne pas. وكذب بالحسنى كذلك il ne croit pas, فسنيسره للعسرى. Ça te montre que Allah il a قدم العمل avant. Donc fais des اعمال, et si tu fais du khair tu trouveras du khair, et celui qui fait du shar il trouvera du shar. كذلك ça montre que الحسنات ça emmène d'autres حسنات, et كذلك ça montre أن السيئات ça peut pousser à d'autres سيئات عياذا بالله. Donc l'insan il fait attention. ثم قال الشيخ محمد حفظه الله ولا يؤمن الإنسان بالقدر حتى يؤمن بأربعة أمور, أي لابد de quatre choses pour que ce إيمان soit صحيح, أي الإيمان بالقدر. Et on les a déjà cités ensemble فيما أذكر في اللمعة, on les a vus et dans plusieurs dours avec vous ou avec d'autres frères. Ahaduha, ay les quatre maratib du qadr, les quatre degrés ou les quatre piliers. Le premier, anna Allah qad alima kullama kan wa kullama sayakun wa ma lam yakun law kana kayfa kana yakun. Premièrement, on a la conviction, on a cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il sait tout ce qui s'est passé, il sait tout ce qui se passe maintenant et il sait tout ce qui se passera. لأن الله عز وجل c'est العليم. Il a صفة العلم. لا يخفى عليه شيء. Il n'oublie pas عز وجل. Il ignore pas. لا, il a صفة العلم, صفة كاملة. Donc نحن on a cette croyance en Allah, il sait tout. Il sait tout ce qui se passera demain, après demain. Il sait tout, Azza wa Jal. كذلك يعلم السر وأخفى. Il sait ce qui est apparent, ce qui est caché. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. وقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى الست. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون أي الله سبحانه وتعالى الست. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أي الكفار quand ils espéreront revenir في الدنيا pour faire des bonnes œuvres. الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. S'ils reviennent sur terre, ils feront la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bikulli shay'in alim. Premier degré, al-ilm. Donc, nahnu, on a cette conviction, an-Allah, il sait tout. Et le lien entre l'ilm et le qadar, il est clair. An-Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout et il a tout écrit. Comme on va voir, le deuxième degré. Al-thani, an-Allah qad kataba kullama huwa ka'inun ila qiyam al-sa'ah. Qala Allah ta'ala, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الشاهد إلا ما كتب الله لنا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout et كذلك il a tout écrit dans un kitab tout ce qui se passera. وفي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه. Quand Allah il a créé le قلم قال اكتب اي اكري وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه اي اكري tout ce qui se passera jusqu'à يوم القيامه. Donc Allah il sait tout et كذلك il a ordonné à ce قلم de tout écrire dans un livre. Donc les deux premières maratib, les deux premiers degrés du qadar, al-ilm wal-kitab. Et il a cité des preuves fi hada. Troisième, al-mashi'a. Hey, je peux traduire le sens, la volonté. Wa huwa annahu la yahsul shay'un min al-khayr wash-sharr illa bi mashi'atillahi 'azza wa jalla. Tout ce qui se passe min khayr wash-sharr Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Et ça, c'est important, cette martaba. لِأَنَّ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ إِنْحَرَفُوا dans ce point. بَعْدُهُمْ ils se sont dit, comment dire que Allah il veut du mal? الْإِرَادَ elle se divise en deux, on ne détaillera pas ici, شَرْعِيَ وَقَدَرِيَ. لَكِنْ ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre ici, elle n'a tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cette chose. Thumma, si c'est un mal, sache que ce mal est une hikmah. Ça peut être un mal pour nous, en apparence, alors que c'est un bien. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses qui se passent dans cet univers, dans ces créatures, Allah il a voulu. Si on dit que Allah il n'a pas voulu, c'est grave. Là, ça va impliquer qu'il y a une chose que Allah il veut pas. Et cette chose, elle se passe comment? Alors que nous, on a la conviction, et Allah, il est capable de tout. Donc, tout ce qui se passe, c'est là, d'après la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et si c'est une ma'siyah, مثلاً, du kufr, il y a des gens, c'est des kuffars. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu hada kawnan. Il y a une hikmah azima. Il y en a, s'il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait pas de jihad. S'il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait pas de tawbah. S'il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait plus de sentence. S'il n'y aurait pas de kuffar, il n'y aurait pas de nar. Donc, tout ça, fil haqiqa, il faut bien comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikmah baligh azima. Allah il a créé les choses avec hikmah. Naam, c'est pour ça qu'il a créé Iblis, pour éprouver les êtres humains. C'est pour ça qu'il a créé le kuffar, pour éprouver les êtres humains. Les péchés, c'est pour que tu fasses tawbah. Il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait plus de tawbah. Naam, il n'y aurait pas de nar, il n'y aurait plus de différence entre les personnes. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ces choses les hikmah. Toutes ces créatures c'est bimashi'atillahi azza wa jalla. Que ça soit du khayr ou du shar. Qala Allah ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Wa qala wa law sha' Allah ma qtatalu. Si Allah il aurait pas voulu, il serait pas entretué. C'est Allah qui a voulu cette chose, il y a une hikmah azima. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله guide qui veut et il égare qui veut عز وجل. وقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الشاهد إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضلكم. فليغارمون سي الله اللي غار كي فو إلى une حكمة إلى جست عز وجل. لأن pour comprendre ce sujet, le qadar et tout ce qu'il y a à l'aqidah, il faut comprendre le tout. Bardanès, ils ont du mal à comprendre, ils ne prennent qu'un côté. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le mal, ou il veut un mal. Et il n'arrive pas à comprendre. Il a pris qu'une partie. Là, Allah, c'est lui qui a voulu. Il a une hikmah. La mort de cet enfant, ou la mort de ce musulman, en apparence, c'est un mal, et il y a une hikmah azim. Peut-être que si cet enfant il grandit, peut-être qu'il s'égarera. Allah, il veut son bien, il meurt jeune pour qu'il aille fil jannah. Donc pour toi, c'est un mal. Et fil haqqa, il y a une hikmah azim. Allah, il a créé le kufr, il y a une hikmah azim. Pour que le musulman, il fasse des efforts. Fil jihad, wa fi ghayri, fil tawba, fil ilm, etc. Donc, pour comprendre ça, il faut voir large. Amma ba'd ahlul bid'ah, ils se sont égarés. Awalan, ils ont fait passer leurs raisons avant les textes. Thanian, ils ont délaissé des textes. Ils ont pris que certains et ils se sont égarés. Qala wa qala subhanahu wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighayri alhaq. Allah subhanahu wa ta'ala il écartera certaines personnes de ces versets. Limadha? Li'annahum ils ont du kibr. Et il y a une hikma azima. Annahum c'est eux qui n'ont pas voulu. Allah il les a créés, il leur a montré le haq, il a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres, ils n'ont pas voulu, Allah il les écarte. قال وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويضل به وما يضل به إلا الفاسقين. Et ceux qui n'ont pas voulu. Mais Allah il est juste, celui qui veut le haq, celui qui veut le khayr, fa le khayr il est mawjoud. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. Beaucoup d'adil. أن الله سبحانه وتعالى يفسك الفعل عز وجل. كذلك ما يحصل شيء من خير أو من شر. Tout ce qui se passe في هذا الكون. أي dans les créatures d'Allah عز وجل. من خير أو من شر. C'est par la volonté d'Allah عز وجل. Si on dit que cette chose Allah il l'a pas voulu, ça veut dire qu'il se passe une chose dans les créatures d'Allah qu'Allah il veut pas. Et ça c'est un ضعف. نحن en tant qu'être humain. Ahyanan, chez toi, il y a des choses qui se passent et tu ne les veux pas. Lakin, elles se passent. Pourquoi? Léana, tu ne sais pas. Ou parce que tu es faible, tu n'arrives pas à l'enlever. Ou parce que tu as oublié. Mouhim, il y a un défaut, une faiblesse de ta part. Donc cette chose, elle se passe. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Donc tout ce qui se passe, c'est qu'il l'a voulu. Lakin, la volonté d'Allah, azza wa jal, ça peut être une volonté shar'iyya. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut que les gens ils fassent salat. Que les gens y croient, que les gens y suivent les messagers. Et ils aiment cette chose. Et ça peut être une volonté qadariya. Ça peut être un mal. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu les hikmah. Et il déteste cette chose. Allah, il déteste le kufr ou le kafirin. Il déteste le zulm ou le zalimin. Et ces choses, elles sont présentes. Donc il les a voulu. Min hayt, annahu y a une hikmah azim. Pas parce qu'il aime cette chose. C'est important pour comprendre la troisième al-mashi'a. Quatrième martaba, le quatrième degré fil qadar al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé. وذلك بأن الله إذا قدر شيئا من الخير والشر أوجده. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Le troisième degré qu'on a vu, Allah, il a le mashi'a. Ce qu'il veut des choses, Azza wa Jal. S'il veut une chose, Azza wa Jal, il la crée. Kun, fayakun. Wa qala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah, il vous a créé tout ce que vous faites. Et là, chaque année, il y a des personnes qui font du shar. Allah, c'est lui qui a créé cette chose. Ça ressemble à le mashi'a. Il y en a un, il peut se poser une question. Est-ce que c'est Allah qui a créé telle chose? Non. Maintenant, qui c'est qui a créé l'alcool? C'est Allah, Azza wa Jal. Lakin, il y a une hikmah azima. Il a créé cette chose et il l'a interdit à ses ibad. Et la hikmah, elle est claire. Est-ce que ce mu'min, il va réussir à s'écarter de cette chose, amna? Et thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera l'ibad par rapport à ces choses. Donc tu vois que ces quatre degrés, ils sont liés. Kadhalik, ceux qui disent, مثلا, أن Allah, c'est pas lui qui a créé le shar, ça va impliquer mada. Ça va impliquer quelque chose de très grave. Ça va impliquer mada. Ahsan, tannahu, il y a un autre créateur. Et nous, on sait que, et chaque moment ici, le créateur, il est unique, c'est Allah Azza wa Jalla. Donc Allah, il a tout créé. Iblis, le shaytan, c'est Allah qui l'a créé. Khalaqtani min nar. Lakin, on sait la hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose. Et si c'est un mal, en apparent, i'lam annahu y a une hikmah azim. Donc on est obligé de croire en ces quatre choses. Al-ilm, wal-kitab, wal-mashi'a, wal-khalaq. C'est les quatre degrés du qadr. وقد أنكر الثالث والرابع فرقة القدرية فخالفوا النصوص تبعا لأهوائهم. نعم. Des groupes égarés min al-qadariya, ils ont rejeté le troisième degré, le quatrième. Aïe, pour eux, Allah, il n'a pas voulu le mal, et pour eux, Allah, il n'a pas voulu, il n'a pas créé ce char. Et ils se sont égarés, iyadam billah. Fabardhum, ils ont dit que c'est l'être humain qui crée ses propres œuvres. Hada, c'est grave. Ça veut dire qu'ils croient qu'il y a un autre ou des autres créateurs en dehors d'Allah, azza wa jalla. D'autres, ils ont dit, Allah, il n'a pas voulu cette chose. Il ne faut pas dire qu'Allah, il a voulu cette chose. Ce n'est pas min al-qadr. Ça veut dire qu'il y a une chose qui se passe, puis quand Allah, il ne l'a pas voulu. Ils ont assa'u wa zalamu anfusahum avec ce mu'taqad. وأما القسم الأول والثاني فأنكره بعض غلاتهم قديما. أما le premier et le deuxième, أي العلم والكتابة, à l'époque, il y a un groupe qui avait rejeté هذا, et هؤلاء des كفار. Il n'y a aucun doute ceux qui rejettent العلم والكتابة. C'est pour ça que, comme on l'avait expliqué في الأربعين النووية, أن معبد الجهني, quand il a propagé cette bid'a, et qu'ils ont informé Abdullah ibn Umar anna ma'bad, il disait fil Iraq anna al-amr unuf, et anna Allah il sait pas la chose tant qu'il l'a pas, tant que cette chose ne s'est pas passée. A'udhu billah, fa hadha ittiham Allah subhanahu wa ta'ala bil jahl. Ha'oula c'est des kuffar bil ijma'. Lakin ce groupe il n'existe plus ou très peu. Fa li hadha qal fa ankara ba'd ghulatihim qadiman wa munkiruhu liyawm qalil. L'imam al-Nawawi, وكذلك شغل الإسلام, ils ont démontré que cette secte, ce groupe, الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْعِلْمُ وَالْكِتَابَ, ils n'existent pas ou très peu. الآن, ce qui est répandu, من القدرية الظلال, c'est ceux qui renient le troisième et le quatrième degré. أي المشيئة والخلق. Ils ont des شبهة par rapport au شر. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية, انظر الواسطية مع شروحها. Et ce point, vous le détaillerez fi Kutub al-Aqida, insha'Allah ta'ala. Amma nahnu, c'est un bref aperçu fi al-Qadr. Enfin, tu retiens ces quatre maratib, tu essaies d'apprendre un dalil par maratiba, et insha'Allah, ça te fera des bonnes bases, des bons fondements sur al-Qadr. Amma les détails, pas dans d'autres livres. C'est un sujet complexe, et fi al-Haqiqa, c'est simple. Celui qui revient à la voix des salaf, lakin les shubuhat de ahl al-bid'a fi hadha al-bab, il faut les étudier petit à petit. Et Cheikh al-Islam dans son livre At-Tadmouriya, et Cheikh Ibn Uthaymin il a l'akhas dans le taqrib, la deuxième partie, la première partie c'est sur les noms et les attributs, et la deuxième partie c'est sur le qadr, et il répond à toutes les ambiguïtés de ha'oula. Kadhalik الإمام ابن القيم رحمة الله عليه il a un livre في هذا, c'est une référence, ils l'ont imprimé, propagé en 4 volumes, شفاء العليل, c'est la référence dans ce sujet القدر. كذلك الإمام العلامة الشيخ مقبل رحمة الله عليه il a un livre الجامع الصحيح في القدر, et il a rassemblé dans un juz, dans un livre, tous les hadiths صحيحة في القدر. قال وقوله بحكمة هذه عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل جعل الناس قسمين أشقياء وسعداء. الآن il va démontrer la hikmah. Léana, on a cité certaines choses dans le troisième et quatrième degré. Al-An, il va démontrer c'est quoi la hikma. An Allah subhanahu wa ta'ala, telle personne, elle ira fil jannah et telle personne fil nar. Al-hikmatu baligha, bal al-hikamu kathira, la ya'lamuha illa Allah. Wa ma alimna min hadhihi al-hikam illa ka naqrati al-usthur. من ماء البحر قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي الحكم qu'on connaît نحن elles sont très peu très très peu. Il a donné l'exemple qu'à نقرتي العصفور comme un oiseau qui prend une goutte de l'océan. فالحكم كثيرة نحن on connaît quelques-unes. On a donné l'exemple مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé telle chose en apparence du sort, il y a une hikmah. Kadalik, pourquoi cette personne n'a pas été guidée? Il y a plusieurs hikmahs. A'la kulli hal, anta, et le point, il est essentiel, et une bonne opinion d'Allah azza wa jal. Et ta croyance, elle doit être ferme, tu dois être sûr en Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Si tu as tout ça, alhamdulillah. Foulani s'égaré, qaddar Allahu ma sha'a. Il est mort à l'al-kufr. Il y a une hikmah azima. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à l'al-kufr. Ma'annahu il l'a aidé, etc. Il y a une hikmah azima. On dit, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Et on croit qu'il est finnar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, annahu il est finnar. Attention à ne pas vouloir comprendre ces choses avec la raison. Bardanès, il se pose trop de questions. Mais pourquoi? Mais comment? Hatta il s'égare. Sami'na wa ata'na dans ce bête. Et fais des efforts et pense à toi. Pense à ces deux demeures, Al-Jannah wa Nar, et fais des efforts pour faire partie de ceux qui rentreront fil Jannah, et fais des efforts pour t'écarter de Nar. Amma, se poser trop de questions, fi Al-Qadar, c'est une porte d'égarement. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont posé la question, est-ce qu'on œuvre? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Amalou. Sahaba, ils ont posé cette question, il leur a dû œuvrer, ils n'ont plus jamais posé de question, ils ont œuvré jusqu'à que ils sont morts à la khayr, walillahi alhamd. Al-Sahaba, les meilleurs hommes après les prophètes. On sait que tout est écrit, on sait qu'il faut œuvrer, on œuvre. Ils se posent des questions. Mais pourquoi? Mais comment? T'arriveras pas, il y a des choses que tu comprendras pas. Comprends ces quatre degrés et une bonne opinion envers Allah Azza wa Jal, fais des efforts fil amal et inshallah tu feras partie de Ahl al-Sa'ad. Ça c'est muhim, de ne pas se poser trop de questions via hadha al-bab. Wa qala al-Khadr li Moussa, ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بنقرته من هذا البحر متفق عليه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il a tout décrété, c'est le Hakim azza wa jal. Min asma'ihi le Hakim, donc il a le hikma, le baligh, le azima. Donc nahnu, on se soumet et on demande à Allah azza wa jal qui nous guide et qui fasse de nous des gens de Ahl al-Sa'ad, min Ahl al-Jannah. C'est ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Wa min aqidatihim ay as-salaf anna man hakama Allah alayhi bish-shaqawa wa ja'alahu min ahli an-nar fa inma dhalika bi'adlihi wa hikmatihi. C'est ça qu'on a dit, husn al-dhann billah. Anna si un tel meurt ala al-kufr, il meurt égaré, on a la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il a été juste et il l'a égaré parce qu'il méritait l'égarement. Et Allah, il a une hikma azima, il a une sagesse أو دي ساجس. ومن قضى عليه بالسعادة وجعله من أهل الجنة فإنما ذلك بفضله ورحمته وإحسانه وكرمه. C'est pour ça que الروافض مثلا الضلال, ils n'ont pas compris et ils se sont égarés pourquoi l'oncle du prophète il est mort à l'al-kufr. Ils n'ont pas accepté. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui ils disent que non, l'oncle du prophète pour eux il est mort à l'islam. Pourquoi? Parce que c'était le père de Ali. Ils exagèrent sur Ali. Donc ils n'ont pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Ils disent qu'Abu Talib, il est mort à l'Iman. Kadhalik, certains compagnons qui se sont convertis plus tard, qu'à Abi Sufyan, etc. Au départ, ils combattaient le prophète sallam. Thumma Allah, il les a guidés. Nous, on a la croyance. Nous, c'est des compagnons et on les aime fil là. Et ils sont min ahli al-Jannah. Tous les compagnons, ils sont fil Jannah. Ils disent non. C'est des kuffars, c'est des égards. Vous avez vu la différence, ils font passer leur raison avant les textes. Amma nahnu la, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Abu Talib, il est finnar, on dit il est finnar. Ha'oula, walillahi alhamd, ils se sont convertis et ils ont secouru le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils sont morts à l'al-iman, on dit walillahi alhamd, ils sont morts à l'al-iman. Chaque mu'min il est fil jannah. Ah là c'est important, husnul dhann billah. Wa kama qila ma lil ibad alayhi haqqun wajibun kalla wa la sa'yun ladayhi dha'i'u in 'udhibu fa bi'adlihi aw nu'imu in 'udhibu fa bi'adlihi aw nu'imu فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم يا بيا جميلة ما للعباد عليه حق واجب. الله يفعل ce qu'il veut. Il égare un tel, il guide un tel, il fait ce qu'il veut. On n'a pas le droit d'aller atterrir. Pourquoi, comment? Allah عز وجل fait ce qu'il veut. Il guide qui veut, il égare qui veut. كلا ولا سعي لديه ضائع كذلك. Faut bien comprendre كما قال الشاعر السعي c'est ses œuvres. Celui qui fait du khayr, ses œuvres ne seront pas vaines. Allah il est juste. Donc celui qui a été garé, c'est qu'il méritait. C'est pour ça que ceux qui font du khayr, ils ont une bonne intention, etc. Allah, il leur compte leurs œuvres. Il les guide. « قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا » Ceux que Allah, il égare, ou il châtie plutôt, « فبعدله » Allah, il est juste. Il les a châtiés que parce qu'il méritait. « لأن الله, il n'est pas injuste. « أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع » Ceux qui guident, مثلاً, بعض الناس, toute sa vie fait du char. C'est un kafir, il fait toutes les ma'asi. ثم ربما, quelques heures avant sa mort, il se convertit et il meurt à l'islam. Il fait partie de Ahl al-Jannah. Est-ce qu'on a le droit de dire là, mais c'est pas juste? Abadan, c'est bifadlillah, Azza wa Jal. Allah, il fait ce qu'il veut. لأن الله, il est rahim, il a voulu le bien à cette personne, même s'il n'a pas fait beaucoup. Il est min ahl al-jannah. قال واما عقيده اهل السنه باهل الكبائر الموحدين فكما قال الامام الطحاوي. Et il fait une dernière précision, l'a déjà faite. Ceux qui rentrent fil nar, il y a deux catégories. Il y a al-kuffar et c'est ahl al-nar, ils sortiront jamais. Et il y a un autre groupe min al-mu'minin qui rentreront fil nar, lakin as-salaf ya'taqidun أنه سيمؤمن دونك سيختيره. وأما قال وأهل الكبائر فكما قال الإمام الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. celui qui meurt على الإيمان c'est un مسلم il ne sera pas éternellement en enfer. إذا ماتوا وهم موحدون avec ce شرط أنه il meurt على التوحيد. أما المشرك الكافر il ne sortira jamais من النار. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه. Tout ça bien sûr c'est s'ils meurent على الكبائر et ils n'ont pas fait التوبة. أما celui qui fait التوبة فالله يتوب عليه. نحن الآن أهل الكبائر, ils ont fait de ma'asi, ils ont menti, ils ont bu de l'alcool, ils ont fait zina, عياذا بالله, ils sont morts sans faire التوبة. بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم. Donc la croyance des salaf de أهل السنة أن هؤلاء qui sont morts على كبيرة من الكبائر, un grand péché, ils n'ont pas fait التوبة, فالله s'il veut il leur pardonne même s'ils n'ont pas fait التوبة. لأن الله c'est الغفور الرحيم. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم. Ça c'est le premier cas. بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est ça الدليل. Allah il pardonne pas shirk, il akbar, et il pardonne à qui il veut les autres choses. Et donne shirk min al ma'asi. Wa in sha'a 'adhabahum fi an-nar. Si il veut, azza wa jalla, il a une hikma, et ça c'est un hukm, il est fondé sur l'adl, il les châtie. In sha'a 'adhabahum fi an-nar bi'adlihi, thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa bi shafa'ati ash-shafi'in min ahli ta'atihi. Même s'il les châtie, ça sera une période par rapport à leur péché. Thumma, ils sortiront. Imma bi shafa'a, l'intercession du prophète ou autre. Imma bi rahmatillahi azza wa jal. Aham shay, ce mu'min, il sortira. Thumma yab'athuhum ila al-jannah, ou ila jannatih. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait rentrer fil jannah. Wa dhalika bi anna Allah tawalla ahla ma'rifatihi, wa lam yaj'alhum في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. لأن الله fait, il y a une différence, Allah il est juste entre mu'min et kafir. Et ce mu'min il n'est pas ma'soum. Certains ils font des péchés, certains ils font des kaba'ir, certains ils font du dhulm. Tant qu'il meurt à l'iman, il y a une différence entre ce mu'min et ce kafir. Et cette différence, c'est que le mu'min, il ne restera pas finnar éternellement, contrairement au kafir. Et la cause qui fait rester finnar éternellement, c'est shirk et le kufr. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. Et ça, c'est un dua طيب de la part de l'imam al-Tahawi. أن الإنسان يكثر من مثل هذا الدعاء. أن الله يختم له بالحسنى ونعم يموت على الإسلام et il rencontre Allah en tant que musulman mu'min. Ça, c'est des dua très importants pour le musulman. وقوله رحمه الله بعد أن لقوا الله عارفين فيه نظر العلماء ceux qui ont expliqué الطحاوية quand ils expliquent ce passage الإمام الطحاوي قال بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه العلماء انتقدوا على الإمام الطحاوي sa parole عارفين أي ceux qui vont rencontrer Allah عارفين ça vient de عارف أي connaît ça suffit pas connaître Ça ne suffit pas. La bud min imam. قال فمجرد المعرفة لا تكفي ولو قال مؤمنين لكان أسلم والله أعلم. Ça c'est parmi les points qu'ils ont corrigé à l'imam Tahawi. بعد أن لقوا الله عارفين. Ils ont rencontré Allah et connaître. Ça ne suffit pas. La bud min imam. فمثلا Iblis, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il عرفه. لكن il n'a pas cru. Il ne s'est pas soumis. Il y a une différence. فهذا c'est منتقد على الإمام الطحاوي. Et بإذن الله عز وجل vous verrez ça dans si vous étudiez un jour الطحاوية العلماء ils expliquent هذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله